Deuxième partie, chapitre 15, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sonia. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Deuxième partie, chapitre 15. Des autres exercices de dévotion publique et commun. Les dimanches et les fêtes étant les jours consacrés à un culte de Dieu plus distingué et plus grand, vous jugez bien, Philothée, que la dévotion doit s'y occuper beaucoup plus que les jours ordinaires des devoirs de la religion. Et, qu'outre les autres exercices, il faut assister à l'office le matin et le soir, autant que votre commodité vous le permettra. Vous y goûterez une grande douceur de piété, et vous en pouvez bien croire saint Augustin, qui nous assure dans ses confessions que quand il entendait le divin office, au commencement de sa conversion, il sentait son cœur se fendre en suavité et ses yeux en larmes. De plus, car il faut que je dise une fois pour toutes que tout ce qui se fait de l'office de l'Église en public porte toujours plus d'utilité et de consolation que tout ce qui se fait en particulier, Dieu ayant voulu que dans tout ce qui est de son culte, nous préférassions la communion des fidèles à toutes sortes de particularités. Entrez volontiers dans les confréries du lieu où vous demeurez, et principalement en celles dont les exercices vous feront espérer plus d'utilité et d'édification. Ce sera une manière d'obéissance fort agréable à Dieu. Car bien que l'on ne vous commande rien sur ce point-là, il est toutefois aisé de voir que l'Église nous le recommande, et ses intentions se font assez connaître par les indulgences et les autres privilèges qu'elle accorde à ses pieuses sociétés. D'ailleurs, c'est un vrai exercice de la charité chrétienne que d'entrer dans les saintes intentions des autres et de contribuer à leur bon dessein. Et quand vous feriez en votre particulier et avec plus de goût quelque chose d'aussi bon que ce qui se fait dans ses confréries, Dieu est plus glorifié par cette union que la piété y fait des esprits et des oblations. Je dis la même chose de toutes les prières et dévotions publiques auxquelles nous devons contribuer autant que nous pouvons de notre bon exemple, pour la gloire de Dieu, pour l'édification et pour la fin commune qu'on s'y propose. Fin du chapitre 15, deuxième partie.